Sixième signe. C'est le Saint béni soit-il, faisant régner Édom l'impie sur toutes les nations du monde, comme nous avons dit ci-dessus. Et un autre roi se lèvera à Rome, et règnera sur toutes les nations pendant 9 mois, et détruira de nombreux pays. Et il s'emportera contre Israël et lui imposera une lourde dette. Alors Israël sera dans une grande angoisse à cause des abondants décrets et des désordres qui se renouvelleront contre eux chaque jour. Israël deviendra à cette époque amoindri et instable, et il n'y aura pour Israël pas de secours. C'est de cette époque que parle le prophète Isaïe quand il dit « Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. » À la fin de ces 9 mois se révélera le Messie, fils de Joseph, dont le nom est Néhémie, fils de Uchiel, avec la tribu d'Éphraïm et de Manassé et de Benjamin, et d'une partie des fils de Gad. Les Israélites entendront que dans tous les pays où ira le Messie du Seigneur, une petite partie des citoyens de tous les pays et de toutes les cités se joindront à lui, comme il est dit dans Jérémie. Revenez, fils rebelle, oracle de Yahvé, car c'est moi votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, pour vous amener à Sion. Et le Messie, fils de Joseph, viendra et ouvrira le combat avec le roi d'Édom, et il vaincra Édom. Il en tuera des quantités de quantités, et il tuera le roi d'Édom, et détruira le pays de Rome. Et il fera venir une petite partie des ustensiles du temple, qui se trouvait caché dans la maison de Jules César. Et il viendra à Jérusalem. Les Israélites l'entendront et se joindront à lui. Le roi d'Égypte fera la paix avec lui et tuera tous ceux qui habitaient autour de Jérusalem jusque Damas et Ashkelon. Et tous les habitants du monde l'entendront, et une grande frayeur tombera sur eux.